حتى بإذن الله عز وجل. Si toi tu fais des efforts et lui fait des efforts, vous vous rencontrerez fil Jannah et vous serez heureux pour l'éternité. Amma, qu'est-ce que tu veux mener de dunya? Rubama, il fait des études, à la fin il ne te respecte plus. Ça arrive, hada. Rubama, il te rabaisse. Ça arrive, kathiran, hada. Tu veux que ton enfant il soit avec toi, fil dunya ou fil akhira. Tu veux qu'il te respecte. Tu veux qu'il soit heureux et toi tu sois heureux. Fais des efforts, fil din. Au moins minimum. On sait que ce n'est pas tout le monde. Ils vont tous devenir des talabat ilm, des ulama, là, mais au moins un minimum. Il sait faire en salat, il apprend l'aqidah, il apprend le tawhid, il déteste le kuffar, il apprend al-wala ou al-bara, il apprend la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'habille comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il apprend les comportements, il ne ment pas, pas de trahison, pas d'injustice. Hada, tu l'éduques sur le suivi des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, on a tous des faiblesses. Amma là, délaisser tout ça et rentrer dans le système des kafara et hatta as-salat, hatta shahada, pardon, il ne la prononce plus. Hada, c'est al-halak, iyadun billah. فلهذا قال الشيخ سعدي رحمه الله تعالى ولا يحل لكم أن تضعوهم في مدارس تهلكوا دينهم وأخلاقهم. Tu le places dans ces écoles et ces écoles ils vont ruiner son din et ses comportements. Aïe, la fitra qu'il avait, tout ça sera touché, tout ça sera affecté. ويتبع ذلك فساد الدنيا واختلال الأحوال. كذلك ça va avoir une conséquence sur dunya. Il y en a les péchés. Ça a des conséquences sur la vie du musulman. فلا بد أن تسألوا عن أولادكم وعما عملتم معهم. فلا بد. Ça c'est un conseil pour chaque parent. Maintenant, on sera conseillé sur nos enfants. Est-ce que t'as fait du bien ou t'as fait du mal? Ne crois pas que faire le bien à ton enfant c'est dunya. Là, le bien c'est din. Mais la pauvreté c'est pas forcément un mal là. Et la richesse c'est pas forcément un bien. Là, qu'il en vient une époque أن pour le كثير والله المستعان أن la réussite c'est l'argent. C'est pas la réussite l'ilm, ça devient un imam, ça devient un savant, ça devient une personne qui a un bon comportement. كثير منهم لا يبالون بهذا. La réussite c'est l'argent. C'est pour ça que tu le vois l'un quand tu parles avec certains parents, que ce soit les générations d'avant ou maintenant, la première chose quand tu parles des enfants c'est l'école. C'est rare celui qui parle de din. Il faut qu'il refonde le Coran, il faut pas qu'il ressemble au kafara. هذا c'est rare. إلا عند أهل الخير أهل السنة ولله الحمد يسكروش encore هذا ولله الحمد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.